la Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jean-Marie Gustave Leclésio semble avoir devancé les préoccupations de ses contemporains. Son attention à l'écologie, son attrait pour une vie méditative, une sorte d'antispécisme aussi dans son attitude vis-à-vis des animaux et jusqu'au thème des migrants, tous ces grands sujets, aujourd'hui largement débattus, semblent se trouver depuis longtemps dans la littérature de cet écrivain. Mais loin d'être un rêveur, Leclésio est un inquiet, un homme qui dénonce, comme nous allons le voir tout au long de cette série, qui nous conduira jusqu'à jeudi. Jeudi où nous parlerons justement de la philosophie sous-tendue dans les textes du prix Nobel 2008 de littérature, avec Bruno Thibault qui évoquera également son rapport aux peuples indiens d'Amérique. La veille, nous aurons posé la question de la modernité dans son œuvre et notamment de la présence de la ville dans ses textes. Lui qui est l'auteur d'un livre pourtant intitulé « Désert », ce sera avec Marina Salle. Enfin, demain, nous évoquerons les grands thèmes qui parcourent son travail ainsi que ses influences littéraires. Nous serons en compagnie d'Isabelle Roussel-Gillet. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour une première approche de Leclésio, nous serons en seconde partie de cette émission avec Aliette Armel, qui a publié cette année aux éditions du Passeur un essai consacré à cet homme du secret. Et en première partie, pour parler de la vie de l'écrivain, nous sommes avec la romancière, traductrice de l'espagnol et critique littéraire Michèle Gazier, qui connaît bien Leclésio et a co-signé le numéro qui lui était consacré dans l'émission Disparue, un siècle d'écrivains sur France 3. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. Le grand drame enfin, de chaque être humain, et spécialement de ceux qui écrivent, c'est de s'apercevoir qu'ils ne savent pas parler, qu'ils ne savent pas s'exprimer. Et tout leur effort va tendre à ou bien donner une impression fausse d'unité linguistique, c'est-à-dire chercher à s'exprimer, et chercher à donner l'impression qu'ils réussissent à s'exprimer, ou alors essayer d'être le plus vrai, le plus près possible de la vérité, et renoncer à cette expression totale, globale, cette expression harmonieuse. Et à ce moment-là, offrir en effet des défauts dans leur cuirasse et être tout le temps prêt à tomber. C'est pour ça que peu importe l'image qu'on donne aux autres, la véritable image, on la connaît, elle est celle qu'on a soi-même. On peut donner aux autres l'image d'un succès total et être soi-même un échec épouvantable. Et on peut donner l'image de quelqu'un qui sait parler et être au fond quelqu'un qui n'a pas encore réussi à associer un nom et un adjectif. D'un entretien avec Pierre Georgel en août 1971. Bonjour Michèle Gazier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Leclésio en a conscience, on vient de l'entendre, savoir parler, ça ne va pas de soi. Être vrai avec les autres, authentique pourrait-on dire, ça ne va pas de soi non plus. Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs une difficulté chez Leclésio tout simplement à parler, à s'exprimer? On sent une forme de timidité. Oui, bien sûr, et je pense que au départ, l'idée d'écrire était complètement dissociée de celle de parler. Il avait envie d'écrire, c'est ce qu'il m'a dit à plusieurs reprises dans nos conversations, qu'il avait envie d'écrire un livre qui fasse du bruit, hein, qu'on en parle. Je peux même citer la phrase exacte. Je voulais que ça fasse du bruit. Ça en a fait trop à mon goût. Et je me suis ratatinée, cachée. Et je crois que c'est ça, un peu, l'histoire de Leclésio, c'est-à-dire cette espèce de mise comme ça en lumière immédiate pour son premier livre, Le procès-verbal, et l'incapacité à assumer cette image publique, d'où ses silences, sa manière de se cacher, qui est plus aussi véritable parce que Je pense qu'avec en vieillissant, on s'habitue aux choses qui sont parfois désagréables et on accepte un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas faites plus jeune. Mais la parole, finalement, pour lui, c'est le contraire de l'écrit. Ce qu'il a à dire, il l'écrit, et que c'est l'écriture qui le crée lui-même. Sa vérité, c'est l'écriture depuis le plus jeune âge. Donc se montrer, se cacher, on est déjà finalement au cœur de la problématique de Leclésio. Avec vous, vous avez réussi à faire en sorte qu'il se montre un petit peu, vous avez réussi à le faire parler dans Un siècle d'écrivains. Comment ça s'est passé? C'était assez facile parce qu'en fait on se connaît depuis 1983, donc c'est une longue amitié familiale du reste, et donc quand il s'est agi du siècle d'écrivains, je lui ai demandé, il a dit oui, je veux bien le faire, mais à condition que ce soit toi, parce que c'est quelque chose qui ne l'amusait pas du tout au départ. Et à partir de là, on avait eu beaucoup de conversations, on s'était vu assez souvent. Et je crois que la dimension qui est importante, je dis en famille, et c'est vrai que c'est une dimension très importante. C'est-à-dire qu'il a deux filles, j'ai deux filles, sa femme est une amie, mon mari est proche de lui. Voilà, on a fait un paquet cadeau en quelque sorte. Donc dans cette relation, il y avait sa mère à l'époque aussi qui était là présente et qui est la personne dont il était le plus proche, je crois. Donc ça a créé quelque chose comme une confiance qui a permis de faire ce film de façon simple. Et quand je lui ai dit, il y aura des rencontres en France, à Nice, c'est logique, mais tu as des ailleurs. Quel est l'ailleurs que tu choisis? Est-ce que tu veux que nous allions à Maurice ou au Mexique? Il a dit le Mexique parce que c'est un ailleurs que je me suis inventé. C'est un ailleurs qui n'appartient qu'à moi, finalement. C'est-à-dire pas à sa famille. Voilà, pas à sa famille, pas à son héritage ou son contre-héritage. Parce que en fait, il y a toute une histoire sur laquelle je pense que Aliette reviendra. Et donc, on est parti au Mexique et c'était quelque chose de très simple. Nous avons voyagé, nous sommes allés dans divers lieux, nous avons rencontré ses amis indiens. Nous avons fait plein de choses. Et je ne l'ai pas interviewé on est resté 10 jours, je ne l'ai pas du tout interviewé, j'ai laissé les choses s'installer. Et le dernier jour, le soir, il faisait sombre, j'avais une lumière sur le visage, et on a fait l'ensemble de l'interview. Et je crois que c'est comme ça qu'il est arrivé à dire des choses, d'abord parce qu'il était lui quasiment dans le noir, moi aussi, et qu'il y avait tout ce long séjour, enfin ce moyennement long séjour, mais enfin 10 jours ça commence à faire effectivement, au cours desquels on avait abordé plein de choses simples de la vie, et donc ça ne ressemblait pas à un entretien. Il fallait surtout que ça ne ressemble pas à un entretien en vis-à-vis. Et puis il a senti évidemment, Michel Gazier, l'admiration que vous aviez pour son œuvre, que vous avez découverte dès la sortie de son premier roman, Le procès-verbal. C'était en 1963, je crois. Ah oui, que c'était c'est ça, exactement. Une de vos amies lycéennes qui vous en avait parlé. Exactement. J'avais une amie qui était partie à la montagne sous sa mère, qui avait des problèmes de pulmonaire, et elle m'a envoyé une lettre. On s'écrivait à l'époque, ça se faisait. On s'écrit toujours, mais par mail. C'est moins joli, enfin bon. Et elle m'a donc écrit qu'elle venait de lire quelque chose de formidable, et je suis allée l'acheter et je l'ai lu. Et c'est vrai qu'en parler dans l'amitié, c'est mon ami d'enfance, enfin je veux dire qu'on a fait toute notre scolarité ensemble, et se passer comme ça à un auteur, c'était vraiment un livre, c'est pas un auteur, c'était un livre. Moi j'avais pas vu sa tête, donc c'était pas parce que j'étais à l'admiration devant la beauté lumineuse qu'il avait quand il a publié ce premier livre, mais c'est un texte, et je dois dire que le personnage central s'appelant Michel, c'était pas tout à fait étranger au fait que je me suis sentie très très concernée. C'était une Michel, hein, c'était je précise, une Michel. Comme vous. C'est l'histoire, parce qu'il y a Michel, mais il y a aussi Adam Polo. Est-ce qu'il lui ressemble un peu cet Adam Polo? Parce que le procès-verbal, c'est l'histoire d'un homme qui ne sait pas trop s'il sort de l'armée, s'il sort de l'asile psychiatrique, c'est quelqu'un qui est en retrait de la société. Oui, bah c'est quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. J'en ai discuté avec certains de ses amis de l'époque, enfin, ou en tout cas des gens qui le voyaient à Nice. Il était, quand le procès verbal est sorti, les gens qui le connaissaient pour l'avoir côtoyé disaient c'est tout à fait lui. Il errait dans la ville de la même manière, il se promenait, il était ailleurs. Et je ne sais pas d'où il venait, il n'en parle pas lui-même, il parle pas beaucoup de cette période-là. Il parle plus de son enfance que de cette période-là intermédiaire. Mais en tout cas, il a transcrit ce qu'il voyait, ce qu'il était. Et il disait qu'en fait, ce qu'il avait attiré et qui lui avait donné envie d'écrire ce livre, c'était d'avoir fréquenté des bistrots et d'avoir écouté ce que les gens disaient à côté. Et que donc, en gros, la matière de base, c'est ses voix. Ces voix de gens ordinaires qui racontent des choses de la vie auxquelles il était à la fois étranger et dont il était aussi assez proche. Alors c'est un roman écrit en pleine guerre d'Algérie. Oui. Est-ce qu'il y a ça aussi ? Est-ce que c'est un roman sur la guerre ? La guerre est présente dans ses premiers livres sous la forme de guerre, quoi qu'il en soit. Il y a un roman qui s'appelle La guerre. Et puis, les personnages de ses premiers romans sont en guerre d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense qu'il y a cette sensibilité-là à l'histoire. Il habite Nice. La guerre est partout chez Le Clésio, quoi qu'il en soit. Il y a la guerre dans laquelle il est né, celle de 39-45, qui lui a fait fuir Nice avec sa mère. Il y a la guerre qu'il a aussi éloigné du père qui était en Afrique et donc qu'il a protégé d'une certaine manière puisqu'il a eu sa mère pratiquement pour lui tout seul. Il l'a partagé avec son frère, mais c'était sa mère avec un S majuscule et un M majuscule. Donc cette guerre, elle est à la fois là comme lieu de conflit, comme mal-être, mais aussi pouvant donner des choses de douceur. Si j'examine les circonstances qui m'ont amené à écrire, je ne le fais pas par complaisance, mais par souci d'exactitude. Je vois bien qu'au point de départ de tout cela, pour moi, il y a la guerre. La guerre, non pas comme un grand moment bouleversant où l'on vit des heures historiques, par exemple la campagne de France, relatée des deux côtés du champ de bataille de Valmy, par Goethe du côté allemand, et par mon ancêtre François du côté de l'armée révolutionnaire. Ce doit être exaltant, pathétique. Non, la guerre pour moi, c'est celle que vivaient les civils, et surtout les enfants très jeunes. Pas un instant, elle ne m'a paru un moment historique. Nous avions faim, nous avions peur, nous avions froid, c'est tout. Je me souviens d'avoir vu passer sous ma fenêtre les troupes du maréchal Rommel, remontant les Alpes, à la recherche d'un passage vers le nord de l'Italie et l'Autriche. Cela ne m'a pas laissé un souvenir très marquant. En revanche, dans les années qui ont suivi la guerre, je me souviens d'avoir manqué de tout, et particulièrement de quoi écrire et de quoi lire. Faute de papier et de plume à encre, j'ai dessiné et j'ai écrit mes premiers mots sur l'envers des cahiers de rationnement, en me servant d'un crayon de charpentier bleu et rouge. Il m'en est resté un certain goût pour les supports rêches et pour les crayons ordinaires. Vous écoutez La Compagnie des Œuvres et vous êtes sur France Culture. Nous parlons de JMG Le Clésio. Avec vous pour commencer, Michel Gazier, de la guerre qui a peut-être constitué, comme on vient de l'entendre dans cet extrait du discours de 2008 à Stockholm pour la réception du Nobel, qui a peut-être constitué la guerre un début d'envie d'écrire pour échapper à ce sentiment d'oppression qui était autour de lui, qui l'entourait. Alors, il dit ça, effectivement, mais il dit aussi qu'il avait commencé à écrire et à faire des petites choses avant. Tout petit, même. Tout petit, absolument. Ben, dans le film, ce que vous avez vu, on a pu filmer des petits cahiers, des petites choses qu'il a faites. Bon, sa grande œuvre d'enfance, c'est Au radis noir. Mais avant ça, il y avait toujours le côté bande dessinée, le dessin et l'écriture. Je pense que c'était quand même un taiseux, quand il était enfant. Et ce qui peut s'expliquer aussi par le fait que, bon, il vit avec sa mère francophone, il y a un père anglophone ailleurs. Anglophone et britannique. Oui, en fait, c'est assez compliqué de le dire comme ça parce que le père et la mère sont cousins germains. Donc, étant de cousins germains, on peut penser qu'ils sont tous les deux au départ de la même nationalité. Mais comme Maurice est anglaise, avec un substrat français, puisqu'on y parle le français, même si la langue officielle est l'anglais, et que par-dessus tout ça, il y a le créole, le père a choisi l'anglais, et donc la nationalité anglaise. La mère a choisi le français et la nationalité française. Mais les deux sont d'abord mauriciens. Quand il était petit, il aime dire, il aime raconter que quand on lui demandait comment s'appelait son père, il disait Le Clésio, et sa mère Le Clésio, on lui disait non, mais avant Le Clésio, bien sûr, puisqu'ils étaient cousins germains, qu'ils avaient le même nom. Il aimait lire les dictionnaires, oui. Et je crois qu'il a essayé d'apprendre l'anglais justement en lisant un dictionnaire en anglais quand il était petit. Oui, en fait, il aimait les dictionnaires et il en a toujours eu beaucoup. Chez sa mère, il y avait un grand placard plein de dictionnaires. Et je crois que c'était aussi un filtre par rapport au monde. Le dictionnaire, c'est là où on trouve tout. On n'est pas obligé de poser de questions, on a des réponses. Et on n'est pas obligé d'échanger. On peut prendre directement, on peut cueillir directement l'information. Il s'est quand même rendu compte qu'on n'apprenait pas l'anglais en lisant le dictionnaire. Oui, bien sûr. Mais c'est bizarre son rapport à l'anglais, parce qu'évidemment, il ne veut pas qu'on dise qu'il est bilingue. Enfin, bon, son père parlait anglais et il parle très très bien l'anglais. Mais je pense qu'il se veut solidement francophone parce que son frère a choisi l'anglais et lui a choisi le français. Alors, quand est-ce qu'il va voir son père véritablement pour la première fois, Michel Gazier? Ben, il a, je crois, c'est entre 8 et 9 ans. Il part avec sa mère et son frère en bateau et ils vont rejoindre le père qui est médecin en Afrique. Alors, pendant la traversée, il écrit aussi un livre. Voilà, c'est là où il écrit. Et ça sera. C'est Oradi ou Oradi Noir. Je trouvais que Oradi Noir était encore plus joli que Oradi. Et en fait, c'est la découverte du père qui est quand même quelque chose de très violent pour lui. Et puis, un autre monde, le monde de la liberté, où on circule dans la brousse et sans chaussures. Et il y a cette parenthèse enchantée qui est la traversée en tête à tête avec sa mère. Et il raconte ça dans Nietzsche. Alors, la découverte du père, il l'a aussi raconté, notamment dans son livre L'Africain. La première fois que j'ai vu mon père à Ogoja, il m'a semblé qu'il portait des lorgnons. D'où me vient cette idée? Les lorgnons n'étaient déjà plus très courants à cette époque. Peut-être qu'à Nice, quelques vieux de la vieille avaient conservé cet accessoire, que j'imagine s'ayant parfaitement à d'anciens officiers russes de l'armée impériale, arborant moustaches et favoris, ou bien inventeurs ruinés qui fréquentaient mes tantes. Pourquoi lui? En réalité, mon père devait porter des lunettes à la mode des années 30, fines montures d'acier et verres ronds qui reflétaient la lumière, les mêmes que je vois sur les portraits des hommes de sa génération, Louis Jouvet ou James Joyce, avec qui du reste il avait une certaine ressemblance. Mais une simple paire de lunettes ne suffisait pas à l'image que j'ai gardée de cette première rencontre. L'étrangeté, la dureté de son regard, accentuée par les deux rides verticales entre ses sourcils. Son côté anglais, ou pour mieux dire britannique, la raideur de sa tenue, la sorte d'armature rigide qu'il avait revêtue une fois pour toutes. Je crois que dans les premières heures qui ont suivi mon arrivée au Nigeria, la longue piste de Port Harcourt à Ogoja, sous la pluie battante, dans la Ford V8 gigantesque et futuriste qui ne ressemblait à aucun véhicule connu, ce n'est pas l'Afrique qui m'a causé un choc, mais la découverte de ce père inconnu, étrange, possiblement dangereux. En l'affublant de lorgnons, je justifiais mon sentiment. Mon père, mon vrai père, pouvait-il porter des lorgnons? Quel va être dès lors le rapport avec ce père inconnu, étrange, rigide? C'est un rapport difficile. C'est un rapport qui restera, je crois, difficile jusqu'à la mort du père. Il l'en parlait assez peu. Je pense que cette image, cette figure paternelle qui était étrangère. C'était un étranger. À 8 ans ou 9 ans, quand on découvre quelqu'un avec lequel on n'a pas vécu pour des raisons de guerre, puisqu'en fait, il ne pouvait plus pas bouger du Nigeria pendant la guerre, puis c'était devenu compliqué. Et puis, qui parle une autre langue, parce qu'il y a ça aussi. Et quelqu'un qui n'est pas dans la douceur. Il avait été élevé jusque-là par sa mère et sa grand-mère. Il était entouré de douceur féminine. Je pense que la figure mâle, la figure de l'autorité, arrive, lui tombe dessus, et c'est quelque chose qui le laisse. Il a toujours eu une relation, enfin d'après ce qu'il a pu en dire et ce qu'on sent dans ce qu'il écrit, à la fois une forme d'admiration. Je trouve L'Africain un de ses plus beaux livres. Il y a mis ce qu'il n'a jamais osé lui dire. Et c'est ça que je trouve beau, parce que le reste, il est arrivé à raconter plein de choses de sa famille, etc. Mais à ce père, il n'a jamais pu parler. Et là, il dit tout ce qu'il ne lui a pas dit, et tout à coup, il prend une figure autre. Mais jusqu'à l'écriture de L'Africain, l'image qu'on pouvait en avoir, c'était une image, si ce n'est négative, disons, à semi-absente. C'était une image évanescente. Et là, il le regarde en face, il a un père, et ce père, c'est L'Africain. C'est aussi l'autre, c'est le voyageur, et d'une certaine manière, c'est un ailleurs, comme un des ailleurs multiples qui sont les siens. C'est vrai que c'est la découverte de l'ailleurs, mais de cet ailleurs, il va faire son chez-soi, parce que on a l'impression qu'en Afrique, il devient lui-même. Oui. Dans Nietzsche, on se rend compte que combien il est heureux dans ce contexte difficile. Je crois qu'il découvre la liberté. Je l'ai souvent entendu parler de chaussures. Marcher sans chaussures. Il me dit, mais tu te rends pas compte. Mais il y avait sûrement des dangers parce qu'il y avait plein de bêtes, etc. Mais courir sans chaussures, c'est... Quand il a fallu remettre des chaussures en France, c'était une punition très, très dure. Il l'avait raconté justement en 2006 à Francesca Isidori. C'est les premières années qui ont suivi le retour d'Afrique, bien que je ne sois pas resté très longtemps en Afrique. Ces premières années ont été vraiment très, très difficiles. Parce que j'avais complètement déconnecté avec cette société. Je ne connaissais plus ses règles. J'avais une maturité sûrement trop grande. J'avais vu et entendu et su des choses qu'il fallait que j'oublie. Et d'autre part, parce que je n'avais pas suivi le contexte. Il y avait des choses que de l'ordre des simples réactions ou même des chansons ou des comportements que je n'avais pas. Je ne savais même plus vraiment parler ma langue, puisque j'avais un accent. On me disait, tu as un drôle d'accent. Vous avez attrapé, vous, en Afrique ? Oui, oui. C'est-à-dire que, bon, la langue, c'était le pidgin English. Donc, plutôt anglais, l'accent anglais. On avait capté un peu de la langue anglaise. J'ai écrit d'ailleurs des livres à l'époque. J'ai écrit des livres en anglais. Parce que, naturellement, c'était en train de devenir ma langue. Donc, arrivant en France avec un accent bizarre... un comportement qui n'était pas tout à fait... Mais en revanche, des disciplines dans lesquelles j'étais assez bon, comme courir, je courais très vite, grimper à la corde, je grimpais sans problème, sauter en hauteur, je sautais très bien. Donc, des disciplines physiques qui faisaient que, bon, je n'étais pas totalement sans respect. On pouvait me respecter un peu, au moins, sur ce plan-là. Compagnie des œuvres sur France Culture. C'est vrai que comparé à Nice, l'Afrique, c'est un paradis. Il n'a pas été heureux, finalement, à Nice, enfance, adolescence, début d'âge adulte. Cette ville, finalement, ne lui a jamais parlé. Non, il a toujours eu une relation assez étrange avec Nice. Nice était le lieu adulte où il revenait parce qu'il y avait sa mère. Je pense que depuis que sa mère est morte, il va beaucoup plus rarement à Nice, et en tout cas Nice n'est plus son port d'attache. Nice, c'était juste la mer, mais la ville elle-même, je pense qu'il s'est jamais senti à l'aise. On le regardait à Nice, il était on le repérait, on le regardait, on le voyait. S'il y a une chose qu'il n'aimait pas, c'était bien ça. C'était il aimait bien être ailleurs pour être n'importe qui. Ces années de jeunesse, c'est aussi des années de mélancolie, enfin, qu'on ressent comme ça, affleurant, comme quand il écrit « Si vous voulez vraiment le savoir, j'aurais préféré ne pas être né ». Est-ce que c'est une phrase qu'il aurait pu prononcer plus tard, ou est-ce que, en tous les cas, c'est une phrase qui résonne lui correspondant bien, selon vous, Michel Gazier ? Je n'ai jamais entendu dire ça, en tout cas dans les échanges que j'ai pu avoir avec lui. Je pense que c'était... être né à Nice n'était pas un cadeau. Mais dans la mesure où il a assez vite compris qu'il pouvait aller ailleurs. Parce que être né à Nice, il avait la nostalgie d'un pays qu'il ne connaissait pas, c'était Maurice. Maurice, tout le monde en parlait autour de lui, sa grand-mère, sa mère, ensuite son père. Sa tante qui écrivait des livres. Voilà. Alors sa tante qui écrivait des livres, c'était sa cousine. C'est sa cousine. Sa cousine habitait Maurice, mais il ne la connaissait pas. Il n'est allé à Maurice qu'après avoir eu un prix littéraire qui lui a permis de se payer le voyage. Donc il avait déjà plus de 40 ans, entre 40 et 50 ans, si je ne m'abuse. Donc c'est un paradis perdu. Parce qu'on a toujours dit que c'était le paradis perdu, et à la fois il était inaccessible, il était là, présent, c'était l'autre vie possible, qui n'était pas Nice. Et Nice, c'était ce qu'on avait, parce qu'on ne pouvait pas avoir l'autre. C'était une maigre compensation de ce qui aurait pu être. D'où les livres qu'il a pu écrire sur le fait que sa famille a été spoliée. Alors, c'est sujet à plein de... à plein de disputes familiales et de contestations, etc. Je ne suis jamais rentrée, évidemment, pas plus que les autres lecteurs de Le Clézio. Il ne faut surtout pas rentrer dans cette histoire-là. Mais ce qui est important, c'est le sentiment qu'il peut en avoir et le sentiment qu'il en a et qui est en fait sûrement le fruit des récits qui lui ont été faits quand il était enfant. C'est on a perdu le paradis, on a perdu ce qui nous appartenait et on a en héritage que ce lieu. Ma foi, Nice, c'est pas si mal comme ça, vu comme ça. Mais de son point de vue, il y a la mer qu'en face, il n'y a pas la mer autour. Quoi. Donc il s'agit toujours, avec Le Clézio, de retrouver un paradis perdu. Ça vient assez tôt à travers les livres qu'il lit, les livres que son père lui donne sur Charles de Foucault, les livres sur les Aztèques. Et puis, à partir des années 70, il va partager la vie des Indiens, du Darién, entre le Panama et l'Amérique du Sud. Donc, c'est retrouver ce paradis perdu. C'est chercher un ailleurs qui lui appartienne et qui soit à l'image d'un paradis perdu. Mais ça a été quand même assez rude, les Indiens du même physiquement, Amérique centrale. Il explique que c'était très difficile. Parce qu'il a fait le voyage et il a eu du mal à retourner, à revenir dans des sur une ligne de vie qui soit plus simple et plus saine aussi. Il a complètement été perdu par ce qu'il y a vécu. Mais il est revenu, et ça je trouve que c'est charmant, il est revenu, et qu'est-ce qu'il a rapporté de là-bas ? Une pirogue. Et pendant des années, cette pirogue a été amarrée sous la fenêtre de sa mère dans le port de Nice. Est-ce qu'il pense tout de suite qu'il va être écrivain ? Alors, au départ, il pense qu'il va être poète ou qu'il va être peintre, mais il se rend compte qu'il dessine peut-être pas suffisamment bien. Comment se fait l'entrée dans la carrière ? Parce qu'il y a aussi un passage quand même par l'université. Peut-être aurait-il pu devenir, anthropologue, par exemple ? Le passage par l'université, c'est à la fois bien passé et puis moyennement passé, puisqu'il a écrit une thèse et qu'il a mise dans un coffre qui partait au Mexique parce qu'il allait faire une partie de sa coopération au Mexique. Donc c'est une thèse sur le trait amont. Voilà. Et puis les caisses ont été perdues, ce qui fait qu'il n'a jamais soutenu cette thèse. Et qui sommes près de lui, on lui a toujours dit, mais tu as voulu la perdre, ta thèse. Il y a quelque chose que tu ne voulais pas dans ce rapport à l'université. Et de fait, dès qu'il s'est retrouvé en Amérique latine, au Mexique, il a trouvé d'autres centres d'intérêt, il y a vécu et il s'est ressourcé à d'autres histoires, à d'autres origines, à d'autres civilisation première. Et je crois qu'il a développé véritablement ses premiers ailleurs, avec toute cette recherche sur le Michoacán, où ils ont résidé pendant des années. Il y a quand même l'idée de la recherche. D'ailleurs, il connaissait Claude Lévi-Strauss, oui. Est-ce qu'il a pu apporter, selon vous, à la science anthropologique des choses nouvelles? Jean-Marie Le Clézio? Oui. Il a traduit des textes absolument fondamentaux sur les Indiens tarasques et il a collaboré avec un certain nombre de chercheurs, d'historiens. Il y en a l'un d'eux qu'on voit dans le film qui était un de ses amis proches et qui travaillait sur les civilisations tarasques. Enfin, je pense que c'est vraiment... il nous a permis, en tout cas à nous, occidentaux et français, de lire et d'accéder à une certaine source de culturelle d'une des civilisations importantes du Mexique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très souvent en dehors de l'histoire française, telle que ceux qui l'ont vécu continuent de se la raconter. Par exemple, il est au Mexique au moment de mai 68. Oui. Pour lui, mai 68, c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt, aucun sens. Oui, non, je pense que c'était très très loin. Il serait d'accord. Enfin, il est, quand on en parle, il dit oui, c'est bien. Enfin, c'est pas son horizon. Son horizon est ailleurs. Hein. Je pense que quand il s'investit, paradoxalement, je crois que la première fois que je l'ai vu vraiment s'investir dans quelque chose de contemporain, du reste, Télérama, où je travaillais à l'époque, s'est investi derrière lui, etc. C'était pour sauver les baleines. Et là, c'était il y a quand même 20-25 ans, sauver les baleines, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Et il m'avait dit, écoute, on fait quelque chose, est-ce que tu peux relayer, etc. Et je crois qu'on était arrivé, si ce n'est à sauver les baleines, du moins à faire en sorte qu'il y ait eu une amélioration de... Voilà, je ne me souviens plus exactement ce qu'on a gagné, mais on a, et ça, c'était un combat. Donc il y a un engagement chez lui, c'est un écrivain engagé, comme on dit. Mais il y a un engagement qui ne correspond pas aux engagements du temps. Je pense que vous avez dit tout à l'heure en introduction quelque chose de tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il était en avance sur plein de points. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que l'écologie, la préservation de la nature, ce sont des combats qu'il mène dans son écriture et dans sa vie depuis très très longtemps, à une époque où on disait « Ah, c'est un doux rêveur, où est-ce qu'il est ? C'est plus l'homme révolté des premiers romans, etc. » Et moi, j'ai toujours pensé que, en fait... pour se révolter vraiment, il fallait d'abord faire table rase et reconstruire quelque chose et aller. On ne peut pas être que dans la critique et dans la violence. On construit aussi dans l'intelligence, la douceur et une certaine harmonie avec le monde. Au fond, le combat de Le Clézio, c'est contre la société d'aujourd'hui, qui est une société prédatrice. C'est beaucoup protéger d'autres manières de vivre possibles, mais qui sont de moins en moins possibles à cause de la société occidentale, disons, dominante. Oui, je pense que sa critique profonde, c'est une critique sociale et sociologique. Enfin, on a laissé partir les hommes dans des voies de prédation qui font qu'on est à un point où le retour est difficile. Et ça fait quand même des années que lui essaye de dire « il faut faire attention ». Un petit mot sur sa vie sentimentale quand même, il faut en dire quelque chose. Vous connaissez bien sa femme, Jemia, elles se sont rencontrées je crois à la fin des années 60, mariage en 1975, qui travaille aussi un petit peu avec elle. Ils ont fait deux livres ensemble, je pense que Jemia est porteuse de cette origine, autre de cette civilisation première. Je pense que Désert, c'est le personnage de Désert, il y a beaucoup d'elle dans le personnage de Désert. Il ne faut jamais oublier que chez Le Clézio, les personnages sont toujours inspirés de personnages réels. Et que si on lit bien, on reconnaît beaucoup de gens. On va continuer de parler de JMG Le Clézio dans cette émission avec Aliette Armel en seconde partie. Merci beaucoup Michel Gazier. Je rappelle qu'on peut lire de vous les livres Silencieuse au seuil en 2017 et aussi Le nom du père paru aux éditions du Chemin de fer. C'est votre dernier ouvrage. Oh, Bonjour Aliette Armel. Bonjour. Vous êtes romancière, essayiste, critique littéraire, femme de radio, hein, puisque vous intervenez régulièrement sur France Culture. Dans cette émission, La Compagnie des œuvres, vous aviez déjà écrit sur Michel Léris et Marguerite Duras. Et vous avez publié en avril dernier aux éditions Le Passeur un essai biographique sur Jean-Marie Leclésio, l'homme du secret, où vous rappelez qu'il n'existe toujours pas d'ailleurs de biographie officielle du prix Nobel de littérature 2008, à l'exception tout de même du livre de Gérard de Cortance, J.M.G. Leclésio, le nomade immobile, dans la collection Folio Gallimard. Vous auriez pu du coup vous lancer dans cette grande biographie, Aliette. Pour se lancer dans une biographie, il faut avoir l'accord de la personne elle-même, si elle est encore en vie. Et je pense qu'effectivement, ça serait un accord que je ne tenterais même pas d'obtenir. Ah bah vous avez essayé plusieurs fois de l'approcher, vous allez nous raconter. De l'approcher, mais pas pour écrire sa biographie. Ça n'a pas été toujours très simple. Ce que dit Gérard de Cortance quand même dans son livre, c'est que c'est moins les faits qui comptent dans la vie de Leclésio que son parcours intérieur. Vous pourriez reprendre cette expression à votre compte. C'est-à-dire qu'en fait, on manque beaucoup de faits quantifiables en chiffres, en dates, ce qui serait la nature même d'une biographie, et une séquence qui serait vraiment très chronologique de manière précise. Mais par contre, effectivement, ce parcours intérieur, je pense qu'on a beaucoup d'éléments pour le suivre au fil des livres, au fil aussi des interventions dans la sphère publique de Leclésio, parce qu'il y en a, et il y en a de plus en plus, et il y en a quand même déjà eu beaucoup dès le début avec Procès Verbal. Donc je pense que là, oui, il y a un parcours intérieur que l'on peut suivre et qu'on peut reconstituer. Et il se trouve que la thématique que j'ai prise, enfin qui s'est imposée à moi, c'est pas moi qui l'ai choisie, c'est quand même celle du secret. Celle du secret et puis celle du parcours intérieur, un petit peu le vôtre aussi, hein, puisque vous êtes présente dans votre livre, Aliette Armel. Vous expliquez notamment que vous avez dû vous asseoir face à la mer, comme quand vous étiez petite, pour vous mettre dans les conditions pour écrire ce livre sur Leclésio. C'était un choix de l'écrire en Bretagne, puisque j'ai la chance d'avoir une maison en Bretagne, et que ça m'a semblé être vraiment face à la mer, le lieu vraiment pour écrire en étant à son écoute, aussi dans ce partage des éléments qu'il aime tant, la mer, le minéral, et lui-même a une maison en Bretagne, dans un autre coin, et il l'a évoqué à plusieurs reprises, en particulier dans un film qui a été tourné en partie en Bretagne, et donc on le voit dans cet environnement qui lui est très cher. Dans un environnement qu'on pourrait qualifier d'âpre, parce que il y a dans son rapport à la Bretagne quelque chose qui relève du désert. Il dit qu'il y a dans la Bretagne quelque chose qui lui rappelle le désert. Alors vous qui vivez partiellement en Bretagne, vous le ressentez aussi? Alors c'est effectivement le côté, il en parle, taiseux des personnes qui vivent là, pour une part. C'est le côté minéral. Lorsque la mer se retire, il y a toute la part qu'on appelle l'estran. Et là, vraiment, on a l'impression d'être dans un désert, alors que ça va être complètement recouvert par la mer quelques heures plus tard. Il y a ces images, effectivement, désertiques. Et puis, il y a aussi ce lien avec la multiplicité des pierres dressées, couchées, mais qui remontent aux origines de l'homme. Bon, bien sûr, on parle tout le temps de Carnac, mais il y a sur toutes les côtes bretonnes des pierres, et il en a, lui, près de Douarnenez, et j'en ai, moi, près de Plougascan, de ces pierres qui nous relient au départ de l'humanité, au moment où, justement, les hommes étaient proches d'une forme de désert aussi intérieur. Alors justement, Aliette Armel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'héritage de J.M.G. Leclésio? On a commencé d'évoquer un petit peu la famille, mais peut-être qu'on peut aussi remonter un peu plus loin. Alors c'est son ancêtre breton, Leclésio. Alors Leclésio, c'est réellement un nom breton. Qui est breton. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs en Alors breton? Leclésio, c'est le talus. C'est ce qu'on élève pour se protéger du Donc vent. C'est l'enclos. C'est aussi. Un abri, c'est un enclos. Oui, c'est ceux avec lesquels c'était les chemins creux d'autrefois étaient entourés de talus. Mmh. Alors maintenant, on a beaucoup, évidemment, avec le remembrement, enlevé les talus, mais il en reste. Et donc, sa famille, ce nom-là, qui venait du sud de la Bretagne, est celui d'un ancêtre qui est parti pendant la Révolution à l'île Maurice pour faire fortune et aussi pour fuir une Bretagne qui était très en difficulté à l'époque. Et quel pourrait être son rapport avec cette histoire-là? Parce qu'il y a toute une partie de l'histoire de la famille Le Clézio qui est une histoire coloniale. Alors, bien sûr, c'est une histoire coloniale et il dit qu'effectivement, il vient des colons lui aussi, ce qui peut d'ailleurs expliquer pourquoi il essaye revoir toute l'histoire, justement cette histoire qui a été racontée, comme vous le disiez tout à l'heure, par des historiens occidentaux. Il essaye de la revoir maintenant du point de vue de ceux qui ont été colonisés. Il a commencé au Mexique avec les textes qu'il a publiés et il a continué dans son Image de Maurice et son dernier livre, Alma, repart aussi de ce point de vue décolonisé. Vous aimez beaucoup les voyages, mais à l'intérieur des voyages, vous êtes un contemplatif. Contemplatif, oui, parce que ce qui m'attire plutôt, c'est ce souci d'identification avec le monde et avec la mémoire même du monde aussi, avec les mythes, avec les désirs des peuples ou les désirs des hommes que je peux rencontrer. Il s'agit de s'identifier, il s'agit pour moi d'essayer de revivre cela. Je crois qu'on ne peut pas être écrivain si on n'est pas contemplatif. Oui. Un écrivain homme d'action, c'est assez difficile. Ça serait assez paradoxal. Ah, Malraux, quand même, était quand même homme d'action. Pas au moment où il écrivait, alors. Ça, c'était l'extrait d'un apostrophe avec Bernard Pivot en 1985. Et vous, Aliette Armel, vous parlez de la première fois où il est passé, Jean-Marie Gustave Le Clézio, à apostrophe. C'était 5 ans avant, en 1980. Est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu dans le contexte, parce que c'est aussi la sortie de Désert, qui est quand même le roman qui va vraiment le lancer. Il était déjà connu, il avait déjà eu le prix Renaudot pour Le Procès-Verbal. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire qu'il abandonne quelque part, oui, je vais parler d'abandon, puisque les intellectuels lui ont beaucoup reproché, une forme d'écriture qui était jusque-là proche, on l'a accolé au nouveau roman, ce qui était à la fois faux, mais un tout petit peu vrai. Il y avait une recherche formelle, en tout cas. Il y a une petite musique du nouveau roman, quand même, dans les voilà. Premières... Donc, une recherche formelle très, très importante, jusque-là. Et là, c'est très construit, il y a deux types de récits qui s'entrecroisent, mais on n'est plus du tout dans cette recherche formelle, on est dans un récit qui emporte et qui transporte et qui joue justement parfaitement le rôle que le lecteur a besoin d'être emporté par le livre et par les personnages de ce récit qui se déroule très loin d'eux, dans le désert. Et là, il y a un succès public qui est tout à fait important. C'est là qu'il devient Le Clézio, d'une certaine manière? Non, parce qu'il était déjà Le Clézio. Je pense qu'il y a une forte continuité, une très grande cohérence. C'est un personnage et un écrivain parfaitement cohérent. Ça, Marina Salle vous le redira. Mais c'est quand même quelqu'un qui a vu son écriture bouger et... Bon, je pense que ce qu'il a vécu, que Michel Gazi a commencé à évoquer tout à l'heure, chez les Indiens en Béra, a beaucoup joué dans une forme de libération, de contraintes qu'il s'était imposée à lui-même dans son écriture et qui l'empêchait d'atteindre une clarté du récit qui va lui permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'il apporte à ses lecteurs. Et ce livre, il a quelle place dans votre vie à vous? Moi, c'était un moment très très fort. Oui, ça, je raconte dans le livre comment un de nos grands libraires français, Christian Torel, me l'a tendu un jour dans sa librairie avec l'injonction « C'est ça que tu devrais lire ». À Toulouse, à Toulouse, voilà, où je commençais tout à fait à m'intéresser de près à la littérature contemporaine. Et donc, je raconte comment, je lui ai dit oui, parce que c'était lui, on va dire, parce que Procès-Verbal, moi, m'avait... justement posé problème. Et je l'ai laissé pendant tout un temps. Et il était là, il me regardait le livre. Et moi aussi, mais je ne l'avais pas encore saisi. Et puis, c'est vraiment l'émission de Pivot qui a servi pour moi de déclencheur. Et je n'avais qu'une seule hâte, après avoir coupé le poste à la fin de l'émission, de lire le livre et de pouvoir entrer dans cet univers qui s'est alors ouvert à moi et qui, de manière continue voilà, à s'ouvrir à moi, oui. Et ça vous a donné envie aussi de le rencontrer? Puisque je m'occupais à ce moment-là, j'avais monté une petite émission sur une radio libre toulousaine avec très peu de moyens. Et donc, j'avais dit à Christian Torel, bon, est-ce qu'il va venir à Toulouse? Est-ce qu'il pourra me parler devant le micro? Alors, Christian Torel m'a dit, ah, maintenant, Bernard Pivot lui-même n'y arrive pas, puisque ça s'est produit après. Il faut être Michel Gazier, finalement, pour y arriver. Voilà. Et donc, en fait, ça s'est fait, mais ça s'est fait bien des années plus tard, en 1996, lorsque... Le Clésio a accepté de rencontrer son public sélecteur français pour la première fois. Et donc, ça s'est fait quand il est venu à Toulouse pour ouvrir une série de deux ou trois librairies où ils l'ont accueilli en France. C'était à l'occasion de l'apparition de La Quarantaine. La Quarantaine. Et alors, vous racontez qu'il n'avait finalement pas tellement parlé de La Quarantaine, mais qu'il avait parlé d'autres écrivains. Et notamment de Salinger, oui, et de son livre « L'attrape-cœur », qui est pourtant tellement urbain, tellement dans la jungle new-yorkaise, la jungle de la bourgeoisie. Hein. Qu'est-ce qui rapproche finalement ces deux écrivains? Alors d'abord, Salinger, « L'attrape-cœur », c'est le point de départ de Le Clésio, même dans Procès-verbal. Il l'a revendiqué comme étant l'inspirateur de Procès-verbal et du recueil de nouvelles qui a suivi. Donc c'est un des grands phares de Le Clésio. Alors... C'est un des grands phares pour l'adolescence. C'est-à-dire que ce personnage de Harold Caulfield, qui est un adolescent, qui erre dans... Holden Caulfield. Oui, je sais, excusez-moi, toujours, cette erreur. Merci Mathieu. Donc, ce personnage qui erre dans New York, qui se recherche lui-même à travers cette errance, ça vraiment, Le Clésio pour lui, c'est... Il en a encore parlé au moment du prix Nobel. C'est vraiment celui qui compte pour lui avec ce thème de l'adolescence qui se retrouve dans tous ses livres. Et parce donc, que c'est quoi l'adolescence finalement pour l'âge du passage, Le Clésio? L'âge du moment où on quitte cet moment magique de l'enfance, parce que pour lui, les enfants sont magiques. Et ensuite, on bascule vers un autre monde et on se cherche. Et on va passer sa vie à se chercher. Et quelque part... On ne sort pas vraiment de l'adolescence, c'est pour ça que ce sont des personnages qui vivent dans son œuvre de manière si présente. Alors lui dit que c'est quand même en Afrique, qui est, comme on l'a vu avec Michel Gazier, le moment de la grande illumination dans sa vie, c'est quand même aussi là qu'il est devenu un petit peu un adulte. Il n'y a pas quelque chose de paradoxal finalement? En Afrique, 8 ans, 9 ans, c'est l'âge du début de l'adolescence. Ah. On y est tout à fait. C'est là où justement... se passe pour lui ces découvertes qui vont être fondamentales et qui vont l'aider à se construire. Oui, puisqu'il n'est pas revenu d'Afrique, il est revenu d'Afrique totalement différent, tout en restant cohérent avec lui-même, que du moment avant qu'il n'y était parti. Alors qu'est-ce que vous lui avez posé comme question, puisque depuis des années vous vouliez le rencontrer, et vous le rencontrez finalement à Ombre Blanche, que se passe-t-il? Alors je rencontre dans un théâtre toulousain de 560 places, parce qu'à Ombre Blanche c'était trop petit pour accueillir tous ceux qui s'étaient inscrits, et évidemment j'avais préparé soigneusement une liste de questions, et dans la voiture qui nous conduisait au théâtre, j'ai appris que en fait... Christian Torel m'a dit, j'espère Aliette que tu n'as pas préparé de questions. Si, c'est ça, parce que Jean-Marie Gustave a apporté ses propres questions et toi tu es chargé de l'introduire. Ce n'est pas un homme qui s'épanche et qui se raconte et qui se dit. C'est un homme extrêmement réservé, extrêmement qui marche comme ça parmi les choses et les gens, et qui ne communique pas dans une sorte d'exaltation fondamentale, mais au contraire dans une sorte de puissance de réserve qui m'a beaucoup frappé. L'homme, Le Clésio, à mon avis, est précieux parce qu'il il préserve en lui-même tout ce qu'il a à dire et qu'il dira, qu'il a dit et qu'il dira. Et on ne peut pas se satisfaire d'une manière facile de la fréquentation de l'homme le Clisio d'un certain nombre de nous sommes des insulaires, oui c'est formidable, c'est pas du tout. Il a une sorte de puissance de réserve qui me paraît poser le sceau de la sincérité et de la profondeur sur ce qu'il écrit. Et bien voilà, Aliette Armel, vous avez par la voix d'Edouard Glissant la réponse à la question que vous vous posiez, pourquoi finalement le Clésio n'a-t-il pas tellement voulu répondre à mes questions ? Parce que c'est un homme réservé. Est-ce que c'est aussi un rebelle ? Parce qu'on n'a pas parlé quand même de cet épisode en 1968, au moment où il est coopérant en Thaïlande et qu'il prend position, là pour le coup, pour dénoncer les viols des petites filles thaïlandaises. Et si vous pouvez nous raconter cette anecdote, du coup, Aliette Armel. Je pense que ça a été pour lui un très grand choc d'arriver en Thaïlande pour faire son service militaire, puisqu'il avait réussi à avoir des sursis, à échapper à la guerre d'Algérie, mais qu'il avait dû aller dans la coopération, comme on disait à l'époque. Et là, il a découvert de manière directe, il s'est trouvé confronté à ce que l'homme blanc, pour prendre ce terme, fait subir dans les pays où il est un peu le maître, y compris aux enfants, des choses terribles. Et il les a immédiatement dénoncées parce que, pour lui, il ne pouvait pas faire autrement que de le dénoncer. Alors, il avait une voix, il pouvait publier des articles dans les journaux, et lui, tout ce qui était de devoir de réserve, puisqu'il était quand même militaire dans la coopération, ça ne le concernait pas. Donc, immédiatement, ce qu'il découvre avec horreur, il le dénonce. Et immédiatement, il est dans l'engagement dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est un homme de controverse ? Non, pas du tout. Je pense qu'en fait, quand il énonce ce cri du cœur, parce que je pense que c'est quelque chose de cet ordre, il n'est pas du tout dans la stratégie, il n'est pas du tout dans la controverse, et ça n'est absolument pas quelqu'un qui est dans l'ordre du politique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas atteint ses objectifs de ce côté-là par moment, parce qu'il n'a pas su prendre les précautions que la politique aurait imposées pour qu'il arrive à ses fins. Est-ce qu'il y a, si ce n'est de la politique, quelque chose de sartrien chez lui, au moins à l'époque du procès-verbal par exemple, comme on l'a beaucoup dit ? Il a beaucoup récusé cette image. Il ne se met pas du tout dans... Il cherche le soi en lui. Il cherche une progression de lui-même. Il est en perpétuelle quête vers l'avant. C'est pas du tout une démarche sartrienne, à mon sens. C'est un Indien, finalement, le Clésio. Un Indien ou quelqu'un qui, en tout cas, a été tellement inspiré parce qu'il a trouvé son univers chez des peuples qui sont des peuples qu'on dit premiers parce qu'ils sont rattachés à des grandes traditions, qui vivent dans une certaine forme de pauvreté qu'il a toujours connue chez lui par son père mauricien. Et il a retrouvé là, auprès de ces gens, à tout dans le désert, tous ceux qu'il a pu rencontrer en Amérique, en Afrique, maintenant en Asie. Il retrouve dans des communautés des gens dont il est proche et qui lui permettent justement cette avancée en lui-même. Et ce qui lui permet aussi cette avancée en lui-même, c'est comme il le disait dans son livre « L'inconnu sur la terre », de n'écrire que sur les choses qu'il aime pour tenter de reconstruire la beauté. Merci beaucoup Aliette Armel. Je rappelle que votre livre « Le Clésio, l'homme du secret » a paru en avril dernier. Il est disponible aux éditions Le Passeur. Tout de suite, la chronique. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec aujourd'hui une revue qui démarre et qui s'appelle l'Allume-feu revue dont vous vous occupez et dont vous venez nous présenter le numéro 3 aujourd'hui, Rémi Baille. Bonjour à vous. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange. Et vous voulez commencer par expliquer ce qu'est votre projet par une question. Et oui, j'aimerais vous demander si une revue littéraire peut-elle volontairement faire partir des feux. Ce n'était pas notre projet de départ avec la revue L'Allume-Feu, mais il faut bien avouer que notre nom n'est qu'à moitié une incitation à l'incendie. Ceci dit, si notre revue ne plaît pas et uniquement dans ce cas, ce mode d'emploi recommande de l'utiliser pour démarrer un brasier. Voilà, c'est très pratique. Ouais, voilà pour le nom qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui tient tout de même son lot d'incandescence. Plus qu'un petit carré spongieux hautement inflammable, l'allume-feu est un rectangle de papier rempli de mots et d'images. De forme libre, elle invite dans ses cahiers bicolores de jeunes auteurs talentueux à exprimer leur première flamme, et publie des textes inédits, sans restriction de genre ni de style, dans un joyeux tapage. Publier de nouvelles plumes, c'est déjà faire un vœu. Celui de la littérature en train de se faire, cherchant son chemin et ses manières, dans l'assurance de vouloir dire le monde. Avec le choix de ses courts écrits, l'allume-feu prend le parti de l'expérimentation, qu'elle soit visuelle ou littéraire. Vous le savez Mathieu, une revue est comme un lieu et il faut l'habiter. À chaque numéro part un thème, que nous choisissons comme un pouce au crime. Avec d'abord celui de l'insolence, qui se demandait finalement à quoi bon publier une revue papier au XXIe siècle. Ensuite le feu, pour dire ce qui nous animait, et après la triche, parce qu'il fallait bien traiter des passions humaines. Voilà que nous publions aujourd'hui un numéro qui a pour thème coup, car en littérature plus qu'ailleurs, ils sont tous permis. Alors qu'est-ce qu'on va lire justement dans ce dernier numéro de l'allume-feu, Rémi Baille ? Nous avons choisi le thème du coup, car ce mot rend possible les événements, parce qu'il batifole dans la langue française et fabrique des expressions comme des ondes de choc. Nos auteurs et nos autrices l'ont compris, et sans s'être concertés, Édouard Luquet, jeune écrivain, et Jacques Jouet, vieux briscard de Loulipo, ont voulu se jouer de nous et n'ont pas pris le thème à la lettre, mais plutôt à l'oreille. Tous les deux ont proposé des polyphonies absurdes sur le son coup, ce qui, sans mauvais jeu de mots, nous a laissé bien quoi ? Vous le savez déjà, à l'allume-feu, on fait de la littérature avec le sourire en coin. Nous sommes tout autant capables de choses sensibles lorsque Paul Laborde raconte son histoire du premier coup, comprenez coup de foudre, ou lorsque Thibaut Marotte écrit son coup de lune, récit d'un fanatique de l'astre de la nuit qui en attend le salut. Bon, il y a aussi le besoin d'explorer des territoires, c'est pourquoi Eugenia Orloff, jeune traductrice moldave, nous propose des inédits de Robert Serban, poète roumain, avec ses vers comme un retour au réel. Parfois, le cœur n'est qu'une pompe. C'est d'ailleurs intéressant de voir combien les vies banales sont autant de projets littéraires. Les tours trop grandes d'Anne de Voret qui engloutissent la famille dans son texte submersible, ou les regrets trop forts de Léa Moret-Bailly qui maudit le printemps. N'en voulez pas aux jeunes d'être les deux pieds dans le présent, ils n'ont que ça à faire, sauf peut-être un, Arthur Deras, reprenant le mythe de Daphné dans un texte qui ne se lit pas, mais se danse. Lorsqu'on publie une revue, il faut s'attendre à tout. Alors rapidement, vous avez fait le choix du papier sur le numérique, pour quelle raison ? Alors dans l'édito du tout premier numéro, nous écrivons sans honte, cette chorale du verbe, c'est notre cœur à tous. Et il en faut bien, je vous le dis, pour se lancer dans ce projet maudit de la publication papier au temps du numérique, parce qu'il y a là un besoin réel, physique, celui de voir une imprimante souffler sur des feuillets les espérances d'une génération qui croit encore aux livres et aux revues. Et une génération qui finalement trouve des mains tendues, chez vous déjà, chez nos lecteurs, mais aussi chez les libraires qui accueillent les bras ouverts nos tentatives devenues très sérieuses et se font les passeurs d'une vision du monde qui puise sa source, sans mentir, dans les siècles passés. On parlerait presque de la tradition de la revue, mais ce n'est pas un gros mot. Et cela n'empêche pas de s'engager à cœur battant dans le contemporain. Portonnelle un sens qui signifie que chaque jour, dans les chambres des jeunes, se montent de grands projets, lancés sous le régime des fulgurances et très vite rattrapés par les réalités. Mais on tient bon. L'allume-feu, c'est entre 42 et 54 pages non reliées, des poésies, des nouvelles, des ballades, du théâtre, des chansons et autant de formes non consacrées, des illustrations aussi dans un commun projet de révéler des artistes en devenir. C'est un jeu littéraire avec des cahiers libres pour s'amuser, car c'est bien ça le but d'une revue, tenter le coup, se faire rêver. Ben on va tenter le coup en vous lisant. Pour savoir où trouver l'allume-feu, rendez-vous sur https://. Voilà. revueallumefeu.com, mais si on tape allume-feu, je pense que on trouvera sans problème ce site internet. Merci beaucoup à vous, Rémi Baille. C'était la compagnie des œuvres. Demain, on continue de parler de Le Clésio. Il sera question de son travail avec Isabelle Roussel-Gilet.